Toi et moi, on était bien que nous deux dans la nuit. Lever les yeux, s'abreuver d'étoiles. On riait tous deux des grands départs. Toi, tu chantais de ta voix bellibo. On n'a rien à perdre quand on ne possède rien. Un refrain pour le lointain, pour tous ces jours rêvés. À l'est du monde entier, voyager léger. Qui nous attire, qui nous murmure de partir. Nuit d'été, la beauté d'aimer. Sur ton dos, couverture navajo, ton parfum corian, mes lèvres dans ton cou. Deep.